إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعتي. Nous poursuivons l'explication du livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine dernière, nous avons terminé le chapitre des ablutions. Et aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons commencer le chapitre de l'essuyage sur les khoufs. Nous allons tout d'abord faire une introduction qui nous permettra de mieux comprendre les ahadiths que l'auteur, rahmahullah, a cité dans ce chapitre. Le premier point de cette introduction est la définition du terme khouf. Les savants nous disent que ce terme désigne ce qui recouvre les pieds jusqu'aux chevilles, que ce soit en cuir ou d'une autre matière. Donc cette définition, c'est la définition religieuse du mot khouf. Le deuxième point est le jugement de l'essuyage sur les khoufs. Les savants de la Sunna sont certes unanimes qu'il est autorisé de faire l'essuyage sur les khoufs. Que la personne soit résidente, ou voyageur. Et ceci est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ses serviteurs et leur éviter une gêne. De nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'essuyage sur les khoufs. Al-Hassan al-Basri disait, rahimahullah, 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont rapporté qu'il faisait l'essuyage sur les khoufs. Il n'y a donc aucun doute que cela est légiféré. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, disait « Je n'ai pas un once de doute que ceci est permis. » Il est aussi légiféré, ikhwani fillah, de faire l'essuyage sur les chaussettes, car elles sont semblables au khouf. Il est donc permis de faire l'essuyage sur les chaussettes à condition qu'elles recouvrent les chevilles. Le troisième point est les conditions de l'essuyage sur les choufs et ce qui y ressemble. Les savants ont mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, qu'il y a quatre conditions. La première condition est que les choufs ou les chaussettes soient mises en état d'ablution. Et comme vous le savez, il y a deux types d'ablution. Le premier type d'ablution sont les ablutions avec l'eau, tandis que le deuxième type d'ablution sont les ablutions sèches. Et les savants mentionnent qu'il est possible de pratiquer l'essuyage uniquement après être en état d'ablution avec de l'eau. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Il n'est donc pas possible de faire l'essuyage après avoir fait les ablutions sèches. Imaginons par exemple que Khalid veut faire les ablutions pour la prière du Asr et il n'a pas d'eau. Il effectue alors les ablutions sèches, puis met ses chaussettes et il prie le Asr. Arrivé à la prière du Maghrib, l'eau revient. Il fait les ablutions. La question qu'on se pose ici, peut-il faire l'essuyage sur les chaussettes? La réponse est non. Car avant de mettre ses chaussettes, il ne s'est pas purifié avec de l'eau. Donc nous tirons de cette première condition, il faut que les choufs ou les chaussettes soient mises en état d'ablution avec de l'eau, que ce soit les petites ou les grandes ablutions. La deuxième condition est que les choufs ou les chaussettes doivent recouvrir les chevilles. Ce n'est pas un problème si elles sont trouées. L'essentiel est qu'elles recouvrent les chevilles. Il n'est donc pas possible de faire l'essuyage sur des soquettes qui arrivent donc en bas des chevilles. La troisième condition est que les choufs ou les chaussettes soient purs et dénués de toute impureté. Car l'impureté contredit la purification. La quatrième condition est que l'essuyage soit fait dans un temps limite, c'est-à-dire 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. Quant à la condition que certains jurisconsultes ont mentionnée, qui est que les choufs ou les chaussettes doivent être licites, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas volées ou bien qu'elles ne soient pas d'une matière interdite telle que la soie pour les hommes. L'avis le plus juste est que ce n'est pas une condition. Celui qui viendra à faire le mesh sur des choufs volés, son mesh est valable, mais il prend un péché selon l'avis le plus juste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Le quatrième point est comment faire l'essuyage. L'endroit où il est légiféré de faire l'essuyage est le dessus des choufs. Et la question qu'on peut se poser ici est la suivante. Y a-t-il une manière spéciale de passer les mains mouillées sur le dessus des choufs ou des chaussettes? Faut-il avoir les mains écartées ou faut-il avoir les mains serrées? En réponse à cette question, il a été rapporté d'un homme parmi les tabi'in qui s'appelle Sofyan al-Thawri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, un grand savant et un grand imam des gens de la Sunna. Il a été rapporté qu'il fut questionné à ce sujet. Il prit alors de l'eau et écarta ses doigts, puis passa ses mains mouillées sur le dessus de ses choufs. Ceci est donc une manière de faire. Malgré cela, il n'y a pas de mal à faire le mesh en ayant les doigts serrés, car il n'y a pas forcément de manière particulière de faire le mesh. Le cinquième point, la durée de l'essuyage. Elle est de 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. Et le décompte commence au moment du premier essuyage. Exemple, imaginons que Zayd est résident et fait ses ablutions pour la prière du Fajr, pour ensuite mettre ses chaussettes. Puis à 14 heures, il fait ses ablutions pour Salat al-Dhuhr, donc la prière du Dhuhr, et il fait le mess, donc il fait l'essuyage sur ses chaussettes. Dans ce cas de figure, Zayd peut pratiquer l'essuyage sur les chaussettes jusqu'au jour suivant à 14 heures, tant qu'il ne fait pas quelque chose qui lui obligerait à refaire les ablutions en lavant ses pieds. Le sixième point est les annulatifs du mess. Sont au nombre de quatre. Le premier annulatif est l'impureté majeure. Quiconque est dans un état d'impureté majeure ne peut pas faire l'essuyage sur les chaussettes ou sur les roufs. Le deuxième annulatif, est que lorsque les roufs ou les chaussettes se trouent de telle sorte qu'on ne peut plus appeler cela des roufs ou des chaussettes, il n'est plus possible de faire le mess. Et ceci est considéré comme un annulatif du mess. Le troisième annulatif est enlever les roufs. Celui qui fait le mess puis enlève ses roufs ne peut plus faire le mess, sauf s'il refait les ablutions en relavant ses pieds. La question qu'on peut se poser ici, Ikhwani fillah, est-ce que enlever ses chaussettes ou bien ses roufs, après avoir fait l'essuyage, annule les ablutions? Les savants ont certes divergé à ce sujet. Et l'avis le plus juste, Incha'Allah ta'ala, et que ceci n'annule pas les ablutions. Imaginons par exemple que Mahmoud fait le mess pour la prière du Asr. Et après la prière, il enlève ses chaussettes. Puis il les remet avant le Maghrib. Ici, nous disons que si Mahmoud a encore les ablutions, il peut prier sans problème. Par contre, s'il n'a plus les ablutions, il devra faire ses ablutions tout en lavant ses pieds. Le quatrième annulatif est que le temps de l'essuyage soit dépassé. Donc voici, Ikhwan et Fillah, une petite introduction qui nous permettra, Incha'Allah ta'ala, de mieux comprendre certaines choses qui vont venir dans les hadiths que l'auteur, rahimahullah, a mentionné. Donc nous allons passer maintenant à l'explication de certains hadiths que l'auteur, rahimahullah, a mentionné. Donc le premier hadith est le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'bah. Donc Al-Mughira ibn Shu'bah rapporte: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accomplit ses ablutions. Je me suis alors baissé pour lui ôter ses roufs. Il me dit: laisse-les, car lorsque je les ai chaussés, mes pieds étaient en état de pureté. Donc le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc on tire de ce hadith, ikhwani fillah, plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire est qu'il y a dans ce hadith la preuve que pour faire l'essuyage sur les roufs, il est obligatoire de les avoir mis en état d'ablution. Et dans le cas où la personne mettrait les roufs alors qu'elle n'est pas en état d'ablution, puis par la suite elle fait les ablutions, il lui est obligatoire de les enlever et de laver ses pieds lors des ablutions. Et s'il oublie, il doit recommencer les ablutions. Et dans le cas où il doute, est-ce qu'il a enfilé ses roufs en état de pureté ou non, il ne doit pas pratiquer l'essuyage, car il doit avoir la certitude qu'il ait mis les roufs ou les chaussettes en état d'ablution. Le deuxième enseignement qu'on tire de ce hadith est qu'il est préférable pour celui qui a des roufs ou des chaussettes de faire l'essuyage et de ne pas enlever ses chaussettes ou ses roufs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, laisse-les, car lorsque je les ai chaussés, mes pieds étaient en état de pureté. Ceci car dans ce cas, il est meilleur et préférable donc de pratiquer l'essuyage. Le troisième enseignement qu'on tire de ce hadith est la permission de céder de quelqu'un pour faire les ablutions. Car el Mourira ibn Shu'ba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, donc a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire ses ablutions. Ensuite, l'auteur, il nous mentionne le hadith de Ali ibn Abi Talib. Donc Ali ibn Abi Talib rapporte, radiallahu anhu, si la religion était fondée sur la raison, le dessous serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Mais j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquer l'essuyage sur le dessus de ses roufs. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. Dans ce hadith, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous mentionne une règle très importante qui est que cette religion n'est pas fondée sur le aql, elle n'est pas fondée sur la raison, elle est plutôt fondée sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous rappelle cela en mentionnant un exemple. Il nous dit que si la religion était basée sur la raison, on devrait essuyer le dessous des roufs, car c'est la partie qui est en contact avec le sol. Et c'est aussi la partie qui se salit le plus vite. Mais comme notre religion est basée sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons pratiquer l'essuyage sur le dessus des roufs, en mouillant nos mains, car il convient de prendre une nouvelle eau pour l'essuyage. Et ceci est un point qui est important. Lorsque tu veux faire al-mas, donc l'essuyage sur tes chaussettes, tu dois prendre une nouvelle eau. Tu dois prendre une nouvelle eau, puis par la suite, tu passes les mains mouillées sur le dessus des roufs, une seule fois. Et quelqu'un pourrait se demander, est-ce qu'il faut faire l'essuyage d'abord sur le pied droit, ensuite sur le pied gauche, ou bien faut-il essuyer les deux pieds en même temps? La réponse à cette question, ikhwani fillah, est que cela est vaste, car ceci n'a pas été mentionné dans les ahadiths. Donc il n'y a pas de mal à passer les deux mains mouillées en même temps. Ou bien, par exemple, utiliser la main droite pour le pied droit et la main gauche pour le pied gauche. Il n'y a pas de mal dans cela. Comme les savants l'ont mentionné, ceci est vaste, car ceci n'a pas été mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, l'auteur a mentionné deux hadiths sur la durée permise pour la pratique de l'essuyage. Donc il dit, Sofwan ibn Assal rapporte, radiallahu anhu, lorsque nous étions en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de ne pas ôter nos roufs durant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas d'impureté majeure, mais pas après avoir déféqué, uriné ou dormi. Ensuite il dit, Ali ibn Abi Talib rapporte, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux voyageurs de pratiquer l'essuyage sur les roufs durant 3 jours et 3 nuits et aux résidents durant un jour et une nuit. Donc on tire de ces deux hadiths plusieurs enseignements. Le premier enseignement est qu'il n'est pas permis de faire l'essuyage pour celui qui doit faire les grandes ablutions. Le deuxième enseignement est que la durée permise pour la pratique de l'essuyage concernant le résident est de 24 heures, tandis qu'elle est de 72 heures pour le voyageur, et le décompte commence au moment du premier essuyage, comme nous l'avons mentionné précédemment. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.